Chapitre 14. La cuirasse de lin. Il est 9 heures. Tout repose au camp. On a éteint les feux par mesure de prudence. La lune a seule le droit de briller. Dans la plaine, cependant, des bateleurs continuent leur prouesse à la clarté des torches, devant de rares amateurs. Mais le public, leur faisant défaut, ils plient bagages et vont chercher le sommeil au pied de quelque arbre de la forêt. Les moindres bruits meurent peu à peu. À peine un chant d'oiseau vient-il animer la plus belle des nuits. De loin en loin encore, on entend un cliquetis de fer. C'est une ronde de cavaliers. Les armures brillent un instant sous les rayons de la lune et disparaissent aussitôt dans l'obscurité, et c'est tout. Faisons aussi notre ronde et voyons ce qui se passe dans le camp. Commençons par la tente royale. Si vous n'étiez pas avec moi, mes enfants, je vous défierais bien d'y entrer. Jamais trésor ni relique ne furent aussi soigneusement défendus. Charles repose sur un grand lit de parade. 120 hommes des plus fiers et des plus hardis sont chargés de sa garde. 40 chevaliers font à tour de rôle le tiers de la veillée. 10 au chevet, 10 au pied, 10 à dextre, 10 à senestre. Chacun tenant une épée et un cierge ardent. Aude s'est aussi retirée dans sa tente. Elle ne dort pas et pense à tous les incidents de cette journée à la fois maudite et bénie. Maudite, car elle a failli lui enlever son frère, son cher Olivier. Bénie, car elle a décidé de ses fiançailles avec Roland, son cher Roland. Ses femmes sont près d'elle. 10 mauresques lui chantent des refrains d'Espagne qu'elle préfère à tous les autres. Mais ce soir, elle ne les entend pas. Elle rêve. 4 Saxonnes peignent ses longs cheveux, attendant pour la coiffer un signe qu'elle oublie de faire. 8 Lombardes ont préparé un bain aromatique, mais 3 fois déjà, elles l'ont renouvelé, car il s'est refroidi 3 fois depuis qu'elle rêve. Ogris n'a pas été plus heureux. Il a posé doucement sa tête sur ses genoux, mais elle ne lui a pas fait l'aumône d'un regard. C'est là un gardien qui rend plaisante la précaution que l'on a prise de placer des gardes à la porte. Roland repose près d'Olivier. Les deux vaillants se sont endormis la main dans la main. Les amis sont devenus frères. Pendant ce temps, Gane et Lupus combinent une entreprise meurtrière. Ne croyez-vous pas que Marsille donnerait un bon prix du corps de ce Roland ? Je le crois, répond le duc d'Aquitaine, mais le mieux serait de le lui livrer vivant pour qu'il s'en arrangeât. C'est l'adresse qu'il lui faut opposer. Quant à la force, n'y songeons pas, ni vous ni moi n'en viendrions à bout. Sortons du camp et voyons quels sont ceux qui se promènent sur la lisière du bois. Un couple charmant cause à voix basse. Mita, la digne sœur d'Aude la Belle, Mita que nous avons remarquée en tête du cortège royal et que l'on avait surnommée le petit chevalier de nacre, Mita marche appuyée sur le bras de Miton de Rennes, l'ami de Roland. Derrière eux viennent une suivante et un page. Elle est bien heureuse, ma sœur, d'avoir pour chevalier un homme comme ce Roland. Ne voyez-vous donc pas que vous me brisez le cœur en me parlant de la sorte? Faut-il donc pour vous plaire être le seul chevalier qui ne se puisse égaler? Je sais ce que je vaux et mérite, ce me semble, que l'on fasse des prodiges pour m'obtenir. Écoutez, seigneur Miton, vous voulez m'épouser, n'est-il pas vrai? Vous me répétez sans cesse que vous feriez des miracles pour me plaire. C'est la vérité. Eh bien, j'en veux la preuve dès demain. Au point du jour, vous recevrez mes ordres. Si vous menez à bien l'entreprise que je vous ménage, je serai vôtre et avec fierté. Si vous l'entreprenez sans y réussir, je serai votre amie, comme par le passé, mais rien de plus. Si vous reculez, ne m'adressez plus la parole, je vous répondrai comme un lâche. » Ils étaient arrivés à l'entrée du camp. Là, ils se séparèrent. « À revoir, Miton, puissiez-vous réussir demain? Je vais le demander à Dieu. » Puis elle tendit au chevalier une main qui tremblait et que celui-ci baisa respectueusement. Miton rentra chez lui et ne ferma pas les yeux de la nuit. Chaque fois qu'un pas se faisait entendre auprès de sa tante, il courait à l'entrée, croyant recevoir enfin le message de Mita. Au petit jour, une suivante parut. Elle lui remit un paquet et lui dit « Ma maîtresse m'envoie vers vous pour vous faire connaître ses volontés. Va trouver le seigneur Miton, m'a-t-elle dit, et s'il tient réellement à me prouver qu'il est digne de moi, qu'il se réjouisse, car je veux lui en fournir l'occasion. Remets-lui cette chemise de lin que j'ai portée et dis-lui de la revêtir aujourd'hui pour le combat. S'il m'aime, il la considérera comme un talisman plus fort et plus sûr que l'acier, et plein de confiance, il se présentera au tournoi sans autre arme défensive que ses chausses de maille, son écu et son baume. S'il fait cela et s'il triomphe, je serai prête à lui donner telle preuve d'attachement qu'il me demandera. S'il ne réussit pas dans cette aventure, il n'en aura pas moins mon estime et mon amitié pour l'avoir entreprise. S'il meurt, je porterai son deuil et mourrai dans un couvent. S'il refuse, je le mépriserai comme le plus faux et le plus lâche des hommes. » Miton s'agenouilla pour recevoir l'envoi de sa dame. C'était peut-être son linceul qu'il couvrait de baisers. Puis il se releva souriant et dit à la messagère « Retournez auprès de celle que vous avez l'honneur de servir. Dites-lui que je suis heureux et fier qu'elle m'ait donné l'occasion de mourir pour lui plaire. Sans elle, la vie n'est rien pour moi et c'est me soumettre à une épreuve vraiment trop légère. Je craignais qu'elle ne m'éloignât, c'eût été me tuer lentement. Je me sens bien heureux maintenant que chaque minute qui s'écoule peut lui être ouvertement consacrée. » Miton donna à la suivante tout l'or et l'argent qu'il possédait, la congédia et se prépara au combat. Il revêtit la chemise envoyée par Mita. Je vous assure qu'il avait fort belle mine et ne prêtait pas à rire lorsqu'il fut équipé comme l'avait voulu sa dame. Il est bon de vous dire aussi, mes enfants, que notre chevalier avait 23 ans, un charmant visage encadré par de longs cheveux blonds, et qu'il ne le cédait à personne pour l'élégance et la force. L'armure de lin qu'il venait d'endosser, assujettie autour de sa taille par un riche ceinturon, lui descendait jusqu'aux genoux, laissant à nu son cou et ses bras qu'il avait fort blancs. Ainsi équipé, il fit demander Turpin, lui conta son aventure, se confessa, communia et se mit en prière, attendant l'heure d'entrer en lice.